Qui fait de toi, belle et jolie, c'est ton charme, ton sourire dans ces hairsprays. Pourquoi ce garçon ne voit que toi, ton QI, ton argent dans ces hairsprays. En plein courant d'air, sans ta bombe familière, viens en rite, fais ton vœu de tes prières. Mais si tu m'attaques, tu sais qu'ils seront collés à jamais. Mais n'oublie jamais de prendre ta hairspray. Tu défies la chance quand tu sors et tu danses et tu twists. Et j'insiste, mets-toi hairspray. Et dis à ta mère que toute la terre entière met l'ultra forte hairspray. Que tu sois blonde ou bien brune, ou qui ne s'en rancune, je connais les secrets, alors n'oublie jamais. Sûrement remettre une bonne couche.